Ok. Gros, t'imagines pas ce qui peut se passer à l'intérieur. Ta France se meurt, alors tes politiques belles et d'honneur. Tu ne sais que parler de ma peine et de ma couleur. Mais dès que je te ramène l'odeur, tu joues la terreur. Alors je m'enivre, me prive de tous tes charmes. Je crache sur ton livre, ta misère je la prends dans le bide. Ici y'a 100 kills de colère pour te baiser ta mère. 900 ans de tonnerre, rien qu'à vendre du pollen. À quoi tu joues petit mec ton? Nous reviens pour te la mettre dans le fion. Moi je suis pas à Youvois, ce serait pas dans mes peuras. Mythomane, rétrograde, car t'as rien dans ton rat. T'es trop énervé, calme-toi. Tu sais comment ça va se passer chez les Renois. T'as attendu tes grands sabres pour prendre du Tosma. Viens pas jouer les gros bras avant que ça chauffe dans le crâne. C'est pour ceux qui survivent en zombie, ceux que l'on condamne pour leur vie. Les armes dans le blizzard, c'est pas dans le noir. Ces gosses qu'on désarme, ces casques qu'on retarde. C'est pour ceux qui survivent en zombie, ceux que l'on condamne pour leur vie. Obligé de faire de l'argent sale quand c'est la dèche. T'inquiète, on baisse pas les armes, on allume la mèche. La deuxième fois que je suis reparti, je me suis dit bon, que quand tu fous la merde, c'est sûr que t'y retournes, fiston. Bellec, peut-être un jour au bout du volant, t'as une famille. Compte pas sur tes amis pour éteindre cette femme qui t'anime. Rapide égal pour tous mes blédards. Moi je m'en tape les burnes, faut que je prenne ma part. Ce qui c'est pour tous ceux qui nous croyaient dead. C'est pour tout ce mal qu'on a fait qu'on pète. Ils jacquent sur leur petite compète. Moi je suis pas une de ces petites putes que tu raquettes. Tu te croyais hale, mais rien que tu t'appêtes. Ma hale, c'est pas une de ces sassas que tu rachètes. Si j'appuie sur la gâchette, c'est pour faire des trous dans ta chaîne. Nous c'est ceux contre la marchandise dans la cave. Plus j'avance et plus mon gars s'aggrave. Le rap c'est les comptes de la crypte. Pour toutes les darons contre l'arthrite. Moi je suis ta banlieue qui baisse ta monarchie. C'est pour ceux qui survivent en zombie, ceux que l'on condamne pour leur vie. Les armes dans le blizzard, c'est pas dans le noir. Ces gosses qu'on désarme, ces casques qu'on retarde. C'est pour ceux qui survivent en zombie, ceux que l'on condamne pour leur vie. Obligé de faire de l'argent sale quand c'est la dèche. T'inquiète, on baisse pas les armes, on allume la mèche. Avec moi, tu vas arrêter de prendre cet air condescendant. Renaissant, poteau, avant que tu te répandes. Sauf ton adolescence, frelot, avant que tu déchantes. Car dans le royaume des ombres, y'a pas d'hommes, y'a des bébés cadavres. Et des condoms pour protéger de cette meuf qu'on appelle Marianne. Cette pute qui te fait grimper au 7ème ciel avec sa copine Ariane. Méfie-toi. C'est pas dans le noir. Ces gosses qu'on désarme, ces casques qu'on retarde. C'est pour ceux qui survivent en zombie, ceux que l'on condamne pour leur vie.